Și vrea galeria sa, avion pe tunel azi. S-o pasă mă pasă și nu-l datea și azi. Știi boco, boco, boco, boco, boco, sabi. Răvași de moto, moto, moto, moto, sabi. Și vrea galeria sa, avion, ce clar și-am să par viv. Écrit à mi-parvi, j'ai fait ma route à ça. Mais c'est que j'suis des Z, j'les mets en Z, j'aime tes fossettes à 7. J'vis d'une autre planète, j'ai dit les hommes et les hommes s'achètent. J'prends le thème, une moula, j'fais le tour de la ville. J'enverge au gars la lune, je vois la vie. Demande à la mèche, on garde la pêche à la dèche. On m'a DS à la pêche, on vole mandat pour tous mes cash. Pour allumer le feu, suffit d'une petite allumette. J'ai vu la terre dans le fusil à lunettes. On fait cracher le moteur, on fait cracher les palettes. On fait cracher le moteur, on fait cracher les palettes. J'ai vu la galère à sa vie, on fait tourner le hasi. Je repasse à mon passé, je suis loin de la terre, je suis assis. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup, sabi. Le vache de moto, moto, moto, moto, sabi. J'ai vu la galère à sa vie, on fait tourner le hasi. Je repasse à mon passé, je suis loin de la terre, je suis assis. Du package chaud, quand j'arrive sur scène chaud, toute la team sauvage trop. Scooter mobile avec son sac à dos, près des popos, Giro, TP, Malo, dos, son check, mais les zéros. J'veux le monde connu, j'veux le salaire abusé. Dominion, la fuite, tu viens de réaliser. Regarde gâté, les cheveux lissés, j'ai pas le temps, j'ai brassé. Demande à Malika Oiseau, cette année faut tout casser. Pour allumer le feu, ce fut d'une petite allumette. J'ai vu la terre dans le fusil à lunettes. On fait cracher le moteur, on fait cracher les palettes. On fait cracher le moteur, on fait cracher les palettes. J'ai vu la galère à sa vie, on fait tourner le hasi. Je repasse à mon passé, je suis loin de la terre, je suis assis. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup, sa vie. Le vache de moto, moto, moto, moto, sa vie. J'ai vu la galère à sa vie, on fait tourner le hasi. Je repasse à mon passé, je suis loin de la terre, je suis assis. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup, sa vie. Le vache de moto, moto, moto, moto, sa vie. Comme ce charbonneur qui vend son shit en surette. J'suis comme ce mec du bled qui vend tout à la sauvette. Mon pote m'appelle, il me dit, ah, c'est nul, y'a même pas de couette. J'suis loin de la terre, il me dit, total, il me défaut que ça fait. J'suis la galère, y'a sa vie, on fait tourner le hasi.